Lettre 31e, Sulpici à Calpurnie, Corinthe, novembre 301. Voici les premiers instants de repos dont je jouis depuis mon départ. J'en profite pour te les consacrer à toi, ma fidèle amie, ma bienfaitrice, ma libératrice. Oui, Calpurnie, tu as été tout pour moi, et mon cœur le sent avec une reconnaissance vive et profonde. Jamais il ne cessera de t'aimer, lors même que les circonstances nous sépareraient pour la vie. Mais loin de moi cette pensée, ça serait acheter trop cher mon bonheur. Mon départ de Baie, que le monde ne manquera pas de nommer une fuite, un enlèvement, fut si promptement formé et exécuté qu'il ne me resta pas le temps de t'en instruire en détail. Tout ce que je pus faire fut de t'envoyer quelques lignes écrites à la hâte. À présent, tu en sais sans doute davantage, car je ne doute pas que Séranus et mon père ne soient allés se plaindre à ma complice. C'est ainsi qu'il te nomme. Je crains qu'ils n'y mettent pas beaucoup de ménagement et que tu n'aies passé avec eux des moments bien pénibles. Je commence par implorer mon pardon. Ah, Calpurnie, il faut que je te l'avoue. Malgré mon regret d'en être la cause, je ne suis pas fâché que tu aies l'occasion de voir Séranus tel qu'il est et de te repentir de la protection que tu lui as accordée. Ne m'as-tu pas dit une fois que c'était un homme très supportable et avec qui tu aurais très bien vécu? Dirais-tu encore de même? Je suis bien sûr qu'à présent tu ne blâmes plus ta Sulpicie d'avoir rompu cet odieux lien. Mais laissons, Séranus. Mes fers sont brisés, je suis libre. Un dieu même a rompu mes chaînes. À l'aide de son flambeau, nous sommes en sûreté. Combien mon bonheur s'augmente encore de l'idée de le devoir aux trois êtres qui sont les plus chers à mon cœur. À toi, Calpurnie, à ton Agathoclès, et à mon Tiridate. Ainsi que l'astre du jour, il apparut et la tempête a cessé, et les nuages amoncelés autour de moi se sont dissipés, et j'ai passé subitement du comble de l'infortune à l'excès de la félicité. Il faut avoir souffert comme moi pour comprendre l'enchantement d'une telle métamorphose. Je me croyais oublié, abandonné, et le même instant me rend ma confiance et ma liberté. J'étais esclave dans toute l'étendue du terme, et je règne sur un cœur tout à moi. Je veux te raconter tout ce qui s'est passé. Il y a 10 jours aujourd'hui, qu'après avoir passé une nuit affreuse, j'étais couché dans un état d'abattement et de douleur. Mon existence me semblait ne tenir plus qu'à un fil, et j'étais loin de la regretter lorsque ma bonne Chromis entra chez moi. Une expression de joie répandue sur sa physionomie, telle que je ne l'avais pas vue depuis longtemps, me frappa tout de suite. Des nouvelles de toi, ma Calpurnie, et de ta prochaine arrivée, furent la première chose qui me vint à l'esprit. « Qu'as-tu donc, Chromis ? » m'écriai-je. « De bonnes nouvelles de Rome, de Calpurnie ?»« Cela se peut, » me dit-elle, « mais porte ta pensée plus loin. J'en ai d'Asie aussi. »« D'Asie ? » m'écriai-je vivement. « Au nom des dieux, Chromis, que sais-tu ? Parle !»« Je sais que le prince est en chemin pour l'Italie. »« Impossible. Pourquoi ? Par quel motif ? » Qu'est-ce qui peut le rappeler en Italie? Je m'étais levé, et tremblante comme la feuille agitée, j'étais près de tomber. Chromis me retint. « Courage, bonne maîtresse, » me dit-elle. « Comment supporteras-tu la nouvelle que je t'apporte si les premières paroles te bouleversent ainsi? Oh, parle, parle, Chromis, explique-toi, où est Tiridate? Pas bien loin d'ici. » Calpurnie, Tiridate était à quelques pas de moi, et je ne mourus pas de saisissement. L'excès de mon bonheur me soutint. Tiridate, mon sauveur, mon dieu tutélaire, il était venu me délivrer de ma captivité. Dans cette saison orageuse, il a franchi les mers pour sa Sulpicie. Oh, Calpurnie, quel sentiment divin est renfermé dans l'idée d'être passionnément aimé et par un homme comme Tiridate. Tu ne peux te faire une idée du trésor que je possède. Tu n'es que son ami, moi je suis son amante, et je serai son épouse. Et lui, il m'est tout. Tout au monde, et sans lui, mais que dis-je, plus jamais sans lui, n'ai-je pas assez souffert? Non, Calpurnie, je me trompe, je n'ai pas encore assez souffert pour compenser ma félicité actuelle. Cependant, mes soupçons n'étaient pas tout à fait injustes. Il m'a tout avoué, à genoux devant moi, son visage caché dans ses mains, et ses beaux cheveux noirs ondulés retombant de tous côtés. Aimable par sa tendresse, irrésistible par son repentir, il m'a tout confié. Oui, il fut infidèle, mais son âme l'ignorait. Ses sens seuls étaient subjugués, et son cœur m'a conservé son amour, et cependant il s'accuse. Il se juge avec autant de sévérité que pour le faire une femme sensible. Mon Tiridate possède à la fois toute l'énergie d'un homme et toute la délicatesse et la sensibilité d'une femme. Oh, Calpurnie, quelle scène suivit cet aveu. Pour ce moment seul, il vaut la peine d'avoir vécu, et quel que soit le sort qui m'est réservé, je ne puis plus me plaindre. Pardonne si je te parle de mon bonheur au lieu de te faire le récit de mon départ. Après le secours et d'après l'avis de Chromis, Tiridate résolut de me délivrer ce même jour. Comment aurais-je pu m'y refuser? Il m'était prescrit, pour ma santé, de prendre des bains de mer, malgré la rigueur de la saison. Et c'est le seul moment où il m'était permis de sortir de ma chambre, accompagné de Chromis et de quelques esclaves qui se tenaient à l'écart pendant le moment du bain que je prenais derrière cette baie ombragée que tu connais. Mes esclaves, sans aucun soupçon, restèrent sous les arbres comme à l'ordinaire, et je m'avançai vers la mer avec Chromis. Au bord, il y avait un bateau avec un seul batelier. Ah, Calpurnie, mon cœur l'eut bientôt reconnu. Déguisé pour tout le monde, il ne put l'être aux yeux de l'amour. Il m'enleva dans ses bras et me plaça dans le bateau qu'il dirigea avec une force inconcevable, et nous arrivâmes bientôt sur le bâtiment qui était à l'ancre derrière un rocher. Ce ne fut qu'alors que j'osai me réjouir de ma délivrance et que je sentis ce que je lui devais. Ma liberté, ma vie, mon bonheur, tout était son ouvrage. Notre traversée fut charmante malgré la saison, et nous avons atteint Corinthe sans éprouver le moindre orage. Cet heureux commencement est un fortuné présage de la bonté des dieux. Nous repartons demain sur un vaisseau prêt à faire voile pour Nicomédie, et dans peu de temps je t'écrirai de cette ville. Je serai heureuse d'y trouver Agathoclès, qui doit y être à présent. N'exige pas que je te fasse un détail de la ville et de l'isthme de Corinthe. Elle est, dit-on, intéressante pour tous les voyageurs, mais pour moi, être dans la belle Corinthe ou dans une île déserte m'est bien indifférent. Je suis avec Tiridate, c'est tout ce que je veux savoir. J'espère te demander de Nicomédie quelque chose de positif sur mon sort. Tiridate me promet la protection de l'empereur. Adieu, ma Calpurnie.